Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va maintenant se transporter à New York où la mairie a entrepris de donner plus de place aux cyclistes et aux piétons. Alors Mélanie Jean est ici pour nous expliquer comment. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Ben oui, imagine dans une ville comme New York, ajouter 640 km de pistes cyclables, environ une soixantaine de places publiques et réaménager à peu près une centaine d'intersections en plein cœur de la métropole américaine pour faire, en fait, une espèce de laboratoire. C'est devenu un peu un laboratoire urbain. Et c'est même un exemple à suivre parce que oui, c'est possible de faire ça. Je sais pas si récemment, tu as peut-être vu, il y a quelques semaines, on parlait à la Ville de Québec qu'on allait ajouter des pistes cyclables. Oui. Je pense qu'on est loin d'ajouter 640 km, par exemple. Tout à fait. Ben en fait, c'est l'initiative est venue de l'ancienne commissaire au transport qui était sous l'administration du maire Bloomberg. Oui. Cette madame-là s'appelle Jeannette Sadikan. Elle a vraiment transformé les rues de New York et surtout au profit des piétons et des cyclistes. En fait, c'est comme redonner un peu les rues, pas seulement aux automobilistes, mais aussi aux cyclistes puis aux piétons, parce qu'ils sont aussi les utilisateurs de ces milieux-là. Je vais donner les rues aux humains, finalement. En fait, c'est exactement ça. Et elle est devenue une véritable vedette de l'urbanisme partout dans le monde. Elle a même publié un livre qui se vend comme une espèce de guide pour les dirigeants municipaux, dans lequel elle explique sa vision de l'aménagement urbain du 21e siècle. Et honnêtement, là, ça a de quoi inspirer de nombreuses administrations municipales, dont Québec. Oui, mais pour ça aussi, il faut avoir l'esprit ouvert. Vraiment, oui. Je pense qu'ils l'ont beaucoup là-bas. Oui. Ici, mais c'est à voir. mais Mélanie, qu'est-ce qui a guidé les changements qui ont été faits à New York? Ben, d'abord, les gens souhaitaient vraiment pouvoir se déplacer de façon plus efficace. Je sais pas si t'es déjà allé à New York. Je suis jamais allé. Parfois, c'est quand même un peu compliqué, des artères assez difficiles à traverser. Si tu passes pas aux piétons, oublie ça. Okay. Les gens voulaient que ça soit plus facile et surtout que ça coûte pas une fortune de réaménager les rues et les places publiques. Donc, pour faire ça, il fallait d'abord comprendre la valeur du capital urbain qui était déjà en place. Voilà. Pas besoin de changer, comme je disais, là, de tout au tout. Il faut voir la rue différemment. À quoi elle sert vraiment? À qui elle appartient? Est-ce qu'elle sert uniquement à permettre aux voitures de se déplacer? C'est le genre de questions-là que l'administration s'est posée. Et la ville de New York prévoit accueillir 1 million de personnes de plus au cours des 25 prochaines années. Donc, le but, c'est de rendre les différents quartiers plus agréables et plus accessibles aussi. Ils veulent transformer l'essence même de ce que sont les rues. Comme on le disait tantôt, là, les rendre plus accessible aux humains, pas juste aux automobiles, pour améliorer le déplacement à pied et aussi rendre l'utilisation du vélo plus conviviale parce que c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus populaire et aussi faire en sorte que les autobus soient plus rapides et surtout améliorer la sécurité dans les rues. C'était vraiment les prémices les plus importantes. La mairie a donc amorcé son programme en fermant l'une des plus grandes places du monde, on parle de Times Square. Oui. Comment est-ce qu'elle a convaincu les citadins d'accepter ce changement? En fait, l'astuce, je pense, c'est dans le fait que ça réside dans qu'ils ont agi très rapidement. Au lieu de débattre pendant des semaines et des semaines, puis que ça finisse plus sur les différents projets, ils ont mis en place avec une genre d'option désannuler si ça fonctionnait pas. Ils ont prôné la technique là, du projet pilote. Donc, on détruisait rien de ce qui était déjà là. On délimitait les places publiques qu'on voulait créer avec une structure un peu rétractable ou qu'on pouvait enlever si jamais ça marchait pas. Tout était réversible si ça marchait. Exactement. Et si ça marchait pas, ben on fait marche arrière puis ben personne n'est mécontent puis on passe à autre chose. C'est ça, exactement. Donc pour Times Square, ben ils ont fait ça en une nuit. c'est dur à battre comme record. Oui. Et comme la plupart des rues de la ville, cet endroit-là avait un assez gros problème de congestion et de sécurité, surtout pour les piétons. Ils auraient pu se tromper, mais ça a vraiment valu la peine d'essayer d'améliorer la situation. C'était difficile de faire pire, là. D'autant plus que les rues de New York n'ont pas changé depuis 50 ans. Oui. Ils étaient dus pour un petit update. Mais un des arguments qui était mis de l'avant pour justifier l'absence de changement ou le statu quo, c'est que ces projets de places publiques, de pistes cyclables ou encore de voies réservées coûtent trop cher. Alors, combien, en fait, tous ces changements ont-ils réellement coûté? Ben, tout ce qui a été fait à New York, là, je disais tout à l'heure, 640 km de pistes cyclables, une soixantaine de de places publiques qui sont piétonnières. Il y a eu 7 voies réservées au service d'autobus rapide qui ont été créées. Ils ont créé aussi le plus grand réseau de vélos en libre partage en Amérique du Nord. Mais ça, ça a seulement coûté 1% du budget total du département des transports de la ville. Donc, c'est quand même un peu insignifiant. Oui, par rapport à l'immensité des changements. Oui, alors. Puis on sait qu'en général, le budget de l'administration au niveau du transport, c'est immense. Là. C'est vraiment un endroit où ça coûte très cher. Donc, 1% du budget là, d'une énorme somme, c'est pas beaucoup. Et aujourd'hui, ben là, New York a un des plus beaux taux d'accidents entre les piétons et les voitures. Donc, on a la preuve en plus que ça valait la peine de faire ces modifications-là, ces améliorations-là. Ça s'est accompli en seulement 6 ans et demi, là, tous ces changements-là. Là. Et c'est vraiment la preuve que ça coûte pas des millions de dollars et que ça prend pas des décennies non plus pour mettre à terme un paquet de projets comme ceux-là. Et selon Madame Sadikan, celle dont je parlais tout à l'heure, ben tout ce qu'il faut en fait là, à la base là, c'est de la peinture pour mettre sur le sol, des pierres qui proviennent de vieux projets de démolition, puis Dieu sait qu'il y en a à New York, pour protéger l'espace qu'on veut délimiter. Ils sont même allés chercher des chaises et des tables qu'ils ont achetées en sol dans un magasin à grande surface, puis des pots pour mettre des plantes. Ils sont vraiment allés là au plus simple. Ils sont pas allés dans les grandes dépenses pour faire ça en grand. Là. Et puis d'ailleurs, si vous cherchez sur Internet à ce sujet-là, c'est incroyable de voir les photos de avant et après. Il y a des rues là, c'est épouvantable comme tu te dis, mais mon Dieu, c'est incroyable le changement, puis c'est magnifique qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est, il y a parfois même des rues, tu te dis, mon Dieu, c'est comme une ruelle un peu désaffectée. Et puis là, ils ont transformé ça en une super belle rue avec un petit parc. Ils ont le stationnement qui était là, il est plus là, puis c'est un beau parc avec des arbres, des chaises. Puis c'est vraiment plus invitant d'aller dans ce coin-là qu'avant. Donc, je vous invite à regarder, là, fouiller sur Internet les photos. Il y a des photos? Oui. Il y a un article sur le site de Radio-Canada qui est sorti il y a quelques jours. Là. Ils ont mis les photos avant-après. Là. C'est vraiment impressionnant. Et selon elle, je pense que d'ailleurs, elle a tout à fait raison, les gens sont vraiment tannés d'attendre pendant des années. Je pense, par exemple, on a juste à penser à des projets ici, là, quand on les met en branle, ben, c'est long. Je pense juste au SRB, là, le service de rapide par bus. Mm-hmm. Ça fait des années qu'on en parle, puis ça va prendre des années avant que ça soit mis en place aussi. C'est long. Puis toute l'énergie est gaspillée, là, en fait, par la paralysie constante du processus de planification et d'ingénierie. Oui, il y a des choses que c'est normal que ça prenne du temps. Mais on le voit, là, l'exemple de New York, là, on le voit que en une nuit, hein, comme je le disais, là, on peut passer transformer. Square, exactement. Donc, son projet a démontré, non seulement aux New-Yorkais, mais à tout le monde, que c'est possible de changer rapidement les choses avec des matériaux qui sont disponibles dans n'importe quel secteur des transports. Ils ne sont pas allés chercher des choses bien compliquées. Là. Et est-ce que le projet a fait face à beaucoup d'opposition? Oui. J'imagine. Oui. Chaque centimètre carré des places publiques qui a été créé, ça a été une bataille. Quand on change l'ADN d'une ville, ça peut facilement soulever la colère. Ça, c'est évident. Et j'imagine que c'est d'autant plus fort que c'est à New York, probablement. Oui. À certains moments, Mme Shadikan a dit qu'elle avait même l'impression que parmi les 8 millions et quelques d'habitants de New York, ben il y en avait 8,4 millions qui étaient des spécialistes en transport soudainement. C'est ça. La réalité, c'est que changer l'aménagement des rues au profit des piétons ou des cyclistes, à la base, ça reste, oui, une vraie bataille. Parce que, comme tu l'as dit, là, on se bat contre ceux qui sont pour le statu quo. C'est ça que tu disais au début, ben c'est vraiment ça. Tout le monde a une bonne raison de pas perdre sa place de stationnement, une bonne raison pour garder sa voie, puis que la voie d'autobus, non, ça m'intéresse pas. Donc, c'est faut se battre contre le statu quo. Et pour changer l'aménagement des rues, ben il faut nécessairement se battre contre ceux qui veulent pas que ça change. Puis ça exige de trouver... Tout d'abord, ben, le bon vocabulaire pour expliquer les choses, pour les convaincre, pour les faire comprendre des bienfaits de ce changement-là. Mais surtout, là, surtout, vraiment, ça demande énormément de courage politique pour se battre contre les partisans du statu quo. Tout à fait. Vraiment. Ça apprend vraiment ça. Puis, je crois que la preuve est vraiment en fait que c'est possible de faire des changements concrets vraiment rapidement. Tu sais, l'adage qui dit quand on veut, on peut, là, ben, ça s'applique vraiment ici. Mais imaginez, là, tous les bénéfices que la population de Québec pourrait bénéficier si on suivait l'exemple de New York. Juste rendre le transport en commun plus efficace. Le seul exemple, là, que les bus aient le droit de passer sur... qu'il y ait des lumières comme dédiées, qu'ils ne soient pas toujours en train d'attendre aux lumières rouges. Tout à fait. Qu'il y ait des voies réservées encore plus que si ça devient plus attractif, ben on le sait là, plus c'est populaire, moins ça coûte cher. Là, on voit d'ailleurs hier le RTC nous a mentionné que le tarif allait encore augmenter. Ben on sait pourquoi. Mm-hmm. Et le déplacement à vélo aussi qui est de plus en plus populaire je parle par exemple personnel, se déplacer à vélo à Québec, c'est pas facile. C'est loin d'être sécuritaire et c'est pas très attractif. Donc mais les gens veulent le faire. Effectivement. Sauf que c'est pas très incitatif quand c'est pas sécuritaire. Donc, c'est un fait. L'exemple de la ville de New York, là, c'est vraiment la preuve que quand on veut, on peut. Oui, et puis je pense que si on peut le faire à New York, on peut le faire à Québec. Oui, là, vraiment. Ils sont beaucoup plus nombreux à New York. Oui. Ben, en tout cas, c'est dommage parce que je pense que pour le moment, il y a encore beaucoup de gens qui trouvent plus attractif de rester coincé en voiture dans les bouchons que finalement. Exactement. Effectivement. Alors, merci beaucoup, Mélanie Jean. C'est un plaisir. Et on espère te revoir à Futur Simple l'automne prochain. Bien sûr. Alors, on va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle des contaminants émergents dans l'eau.